إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، on est toujours dans la série de cours de Cheikh Bazmoul, حفظه الله تعالى, Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul, car elle préserve les récompenses par le Firdaus al-A'la, qui s'est attaché à expliquer le livre, le fameux livre, l'excellent livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui est la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, comme si tu la voyais, du takbir qu'on appelle takbirat al-ihram. On avait vu pourquoi on appelait takbirat al-ihram, parce que à partir de ce takbir là on rentre dans la prière, et tout ce qui était autorisé avant devient, ou en tout cas certaines choses qui étaient autorisées avant deviennent quoi, interdites. Qui se donne un exemple, par exemple, hein, parler, quoi d'autre, boire, excellent, manger, etc. D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle ça takbiratul ihram. C'est le premier takbir avec lequel on rentre dans la prière. Il est teslim ka'anna kataraha. Donc, dans le premier takbir qu'on appelle takbiratul ihram jusqu'au dernier teslim, comme si tu la voyais, de Cheikh donc Mohamed Nasser Dil Albani rahimahullah ta'ala. Et on est arrivé au chapitre qui a pour titre Al-Jahru wal-Israru fil qira'ati fi salatil layl. Et c'est un nouveau chapitre. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait lors des prières nocturnes. D'accord ? Cheikh Bazmoul, quand vous, pour les frères qui ont, je crois, la même édition que moi ici, page 205, vous allez en bas de page, vous allez voir qu'il y a un ta'liq ici. Allaq al-Musannif, vous voyez ça ? Vous l'avez ? C'est même page 205, c'est la même édition que moi, toi ou pas ? Ok. Donc on va déjà traduire ce ta'liq-là, parce qu'il a, il a à voir avec le titre en fait. Et puis on revient au matin, ça va, Inch'Allah. Donc qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Bazmoul, hein? Ce que le prophète récitait lors des prières nocturnes. Al-jahru wal-israru fil qira'ati fi salati al-layl. Donc Cheikh Bazmoul, il y a un ta'liq ici en bas, il dit Allaq al-musannifu huna fil hashiyati biqawlihi qala Abdul Haq fi tahajjud. وأما النوافل بالنهار فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فيها إسرار ولا إجهار والأظهر أنه كان يسر فيها وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بعبد الله بن حذافة وهو يصلي بالنهار ويجهر فقال له يا عبد الله سمع الله ولا تسمعنا وهذا الحديث ليس بالقوي انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Donc première annotation qui a à voir juste avec le titre, Cheikh Bazmoul il dit, quant à ce titre justement, l'auteur, qui est qui, Cheikh Al-Albani, a placé une annotation quant à ce titre dans les notes de bas de page en disant Abdul Haq a dit dans At-Tahajjud, volume 1, page 90, en ce qui concerne les prières surrogatoires, diurnes, c'est-à-dire de la journée, hein, Nawafil, Nawafil al-Nahar, il n'y a rien qui a été rapporté d'authentique quant à la récitation dans ces prières à voix haute ou à voix basse. Ce qu'il a vu le plus fort, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il récitait à voix basse. Donc on parle de quelle prière ici ? Surrogatoire de jour. Il a été rapporté. Alors ici, pour les frères qui ont déjà fait un peu de hadith ici, il est marqué quoi en arabe ? Qui sait lire ça ici ? Après, wa kana yusirru fiha. Vous voyez, situer un peu tout. Wa ruwiya anhu, hein, Zid ? Donc vous voyez ça, tu as dit quoi? Qu'est-ce que ça vous rappelle ça dans le hadith ici? C'est une sirah très connue dans le hadith, les ulama. Hein? Ah, vas-y, tfadal. Ça s'appelle siratou tamrid chez les ulama. Hein? C'est une manière d'exprimer la faiblesse. Warouya. Il a été rapporté. C'est différent de rawa. Alors vous allez voir que Cheikh Bezmoun, il va mieux expliquer ça après. Il dit quoi? Donc j'ai dit, il a été rapporté. C'est pour ça, vous voyez, en français, quand on dit il a été rapporté, faire attention. Hein? Ici en arabe, on voit bien que ça indique là. Que c'est, en général, que c'est faible. Moi, ce que je sais de ulama, c'est que c'est faible. Isharatan ila da'af le hadith. C'est une des manières d'exprimer la faiblesse. Hein? Si il y a d'autres paroles de savants, moi je ne sais pas, mais moi ce que je me souviens du hadith, c'est ça. Donc on a dit quoi ici? C'est que du prophète Asasem qu'il est passé à côté de Abdullah ibn Hudhayfa alors qu'il priait en récitant à voix haute la journée. Il lui dit alors, oh Abdullah, fais entendre à Allah et ne nous fais pas entendre à nous. Mais qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah? Mais ce hadith n'est pas très fort dans son authenticité. Fin de citation. Hadal hadith laysa bil qawi. D'accord? Alors j'ai pas eu le temps de chercher ce hadith. On le fera pour le cours prochain inchallah. D'accord? Pour chercher le darajat al hadith. Il faut savoir que Cheikh Al-Albani et les muhadithines, ils font la différence entre laysa bil qawi ou laysa bi qawi. D'accord? Faudrait faire une fois un cours là-dessus par rapport. C'est pourquoi c'est intéressant de savoir des choses comme ça. Vous voyez le tafsir de Abdullah ibn Abbas sur la parole d'Allah Azza wa Jalla, "Man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun." Yani qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas? Hein? Kufr duna kufr, c'est que c'est, hein? C'est pas la grande mécréance, c'est la petite mécréance. Il y a le tafsir du ulama qui est connu de Ahl Sunna al Jamaa ala kulli hal. Et ce qu'il y a, c'est que parmi les choubouettes que les tekfirines donnent, c'est qu'il y a un des rapporteurs de la génération qui dit que certains salafs, ils ont dit sur lui, notamment Ibn Hazar, si je me souviens bien, ils ont dit « Laissez bil qawi ». Ah, t'as vu le hadith, il est affaire, il est daif. Ils savent pas que « Laissez bil qawi », ça veut dire « Hassan », contrairement à « Laissez bil qawi ». Donc c'est un stilah, vous voyez l'istilah comme il est important chez les ulama. En sachant que l'affaire, il est sahih, et il est sur les conditions des deux chers, le Bukhari et le Muslim, et qu'il est accepté bil ijma chez Ahl Sunna al Jamaa. À la colle, c'est pas le sujet du cours aujourd'hui, mais je pense que c'est important des fois de rapporter des notions comme ça. Donc on retourne maintenant au matn. Donc vous situez wa amma fi salati al-layli fa kana taratan yusirru wa taratan yajharu wa kana idha qara'a wa huwa fi al-bayt yasma'u qira'atahu man fi al-hujra wa kana rubbama rafa'a sawtahu akthara min dhalika hatta yasma'ahu man kana 'ala 'arishihi ay kharij al-hujra. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي ويخفض من صوته ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمعا c'est-à-dire les deux, hein, اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم من اجتمعا أبو بكر وعمر رجل عنهما قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله يا رسول الله on va voir qu'est-ce que ça veut dire après en français inshallah قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله وقال لي عمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لي عمر اخفض من صوتك شيئا وكان يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. Qu'est-ce que Cheikh Al-Albani رحمه الله nous dit dans ce chapitre? Il dit dans la prière nocturne, le prophète alayhi salatu wasalam récitait parfois à voix haute et parfois à voix basse. Donc on parle de quoi ici? De la prière nocturne, de nuit. Chaque fois qu'il récitait chez lui dans sa maison, toute personne se trouvant dans la pièce l'entendait. Occasionnellement, il lui arrivait d'élever la voix, hein, encore plus la voix, de sorte que ceux qui étaient à l'extérieur de la pièce pouvaient l'entendre. D'accord? Arish en arabe, c'est comme une terrasse, si vous voulez. Ici, le Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, kharij al-hujra. Hujra, c'est appartement. Tu as pris ça où? Hujrat, hein? C'est comme ça qu'il traduit, je crois, dans le tafsir du Coran, dans le, la traduction du Coran, par les appartements. Al-Hujurat, tout. En outre, il a recommandé, alayhi salatu wassalam, cela à Abu Bakr et à Omar. Qu'Allah soit satisfait d'eux. En sortant une nuit, il entendit Abu Bakr réciter à voix basse. Puis il passa à côté de Omar ibn Khattab, il l'entendit prier à voix haute. Lorsqu'ils se réunirent, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, oh Abu Bakr, je suis passé près de chez toi alors que tu priais et tu récitais à voix basse. Il répondit, c'est-à-dire qui est Abu Bakr? Celui à qui je faisais des confidences m'a entendu au prophète d'Allah. D'accord? Où je faisais entendre celui à qui je faisais des confidences. Oh prophète d'Allah, puis il dit à Omar, je suis passé près de chez toi et tu priais à voix haute. Il répondit alors, oh prophète d'Allah, je voulais réveiller le somnolent et chasser Satan. Regardez ça, c'est là on prend déjà une nasiha pour nous du hadith directement. Regardez, d'ab salaf, comment ils étaient salaf salih. Nous qui nous revendiquons, qui nous affilions à leur voix, c'est que la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? La prière, qiyamul layl. Salat al-tawfiq. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit alors à Abu Bakr, élève un peu la voix, et il dit à Omar, baisse un peu le ton. Par ailleurs, il disait, alayhi salatu wasalam, celui qui élève la voix en lisant le Coran est comparable à celui qui montre à tout le monde qu'il fait l'aumône. Tandis que celui qui lit le Coran à voix basse ressemble à celui qui se cache en faisant l'aumône. On va voir, on va faire l'explication de ça, inshallah. Justement, l'explication de le charh du Cheikh Bazmoul, Mohamed ibn Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala. Et Cheikh, il dit, « تضمن هذا الفصل جملة من المسائل وهي التالية. المسألة الأولى أن القراءة في صلاة الليل يسن فيها رفع الصوت أحيانا والإصرار أحيانا. وأن الأفضل في قراءة صلاة الليل هو التوسط بين الإصرار وبين الجهر. وهذا يدل عليه سيرته عليه الصلاة والسلام. فقد كان تارة يسر وتارة يجهر. وكان إذا كان في البيت يسمع قراءته من في الحجرة وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه. On avait dit quoi comme l'a dit Cheikh Albani, أي خارج الحجرة. والدليل على أن هذا هو الأفضل والتوسط قول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهم جميعا اخفض من صوتك شيئا. فدل ذلك على أن التوسط في القراءة في صلاة الليل هو الأفضل. فإن أسر جاز وإن رفع وجهر جاز لكن التوسط هو الأفضل. Cheikh Bazmoul, hafidahullah ta'ala, en explication de ce chapitre, il dit, ce chapitre contient un certain nombre de points qui sont les suivants. Le premier, qui est tiré de ce chapitre, la sunna, c'est de réciter dans la prière nocturne de nuit, parfois à voix haute et parfois à voix basse. Et ce qui est le mieux dans la prière nocturne, c'est de réciter d'une manière intermédiaire entre la lecture à voix basse et la lecture à voix haute. Et ceci est indiqué par la voix du prophète, alayhi salatu wassalam, hein, sa voix, V-O-I-E, d'accord, qui a des fois récité, ou qui des fois récité à voix haute, et d'autres fois récité à voix basse, alayhi salatu wassalam. Et s'il était à la maison, ceux qui étaient dans l'appartement pouvaient l'entendre. Et peut-être même élevait-il un peu plus la voix, à tel point que pouvaient l'entendre ceux qui étaient à leur terrasse, ou on va dire plutôt en dehors de l'appartement. La preuve de cela, hein, que ce qu'il y a de meilleur, c'est la lecture moyenne, intermédiaire entre la lecture à voix basse et la lecture à voix haute, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Abu Bakr et à Omar, baisse un peu le ton. Ceci indique que la lecture intermédiaire est meilleure dans la prière nocturne. Et réciter à voix basse est autorisé, jaz. Il a dit, wa in asarra jaz. Si il récite à voix basse, c'est autorisé. Ainsi qu'élever la voix et lire à voix haute. Jaz kadhalik. Ma huwa al-afdal. En tant que salafi, on cherche toujours, inshallah, l'afdal, le meilleur, c'est quoi? C'est de lire avec une lecture, hein, d'une lecture intermédiaire. D'accord? Maintenant, si on veut résumer le chapitre, qu'est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots? On parle de quoi ici? La prière, quoi, tu as dit? La nuit, qiyam, ça que tu... D'accord, sahih, ahsant. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Le fait d'élever la voix, qu'est-ce que tu dis à voix haute? Autorisé, bien, on pas autorisé? Intermédiaire, d'accord. Maintenant, les deux sont autorisés ou pas? À voix haute, à voix basse. D'accord. C'est quoi la sunna maintenant? prophète Azim, quand il faisait tout le temps voix haute, tout le temps voix basse? Parfois, non, c'est ça. Parfois à voix haute, parfois hein, à voix basse. Alterner, je ne sais pas, parce que la notion d'alterner, c'est, en français, c'est un l'un après l'autre. Ça, je ne sais pas. Allah, Allah. D'accord. Deuxième point. المسألة الثانية أن من الآداب المفروضة في قراءة القرآن الإسرار. أن الإنسان يسر لماذا؟ لأنه أمر من أمور الرياء والعياذ بالله. والإنسان عليه أن يراقب نفسه، ينظر في الأمور التي تؤثر في الإخلاص. فإن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا استثناء إلا بالإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث متفق عليه. هذا الحديث ذكي. رابورتي بار كي؟ عمر بن الخطاب أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه. الأخر حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث كي وسي متفق عليه؟ وي ونو؟ نعم. الراوي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بيت فائدة أنا لونغ أغاب الإمام النووي رحمه الله الذي رد أي غير مردود غير معتد به، مردود غير معتد به. وقراءة القرآن عمل صالح، يعني أن إن فعله متابعا لما جاء في الحديث من ابتغى عملا صالحا في هذا الباب. يعني إن فعله متابعا لما جاء في الأحاديث من ابتغى عملا صالحا في هذا الباب، لكن لا يكتمل ولا يكون عملا صالحا لك فيه أجر إلا إذا عملته مخلصا فيه لله. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة الملك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فقراءة القرآن من شرع الله، لكن لا يكون لك فيها الأجر إلا إذا كنت مخلصا فيها لله متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فيحذر المسلم النفس الأمارة بالسوء والشيطان. ومن ذلك أنه أمر وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن لا يقرأ قارئ القرآن بجهر، وأرشده ليسر، لأن الجهر بالقرآن كالجهر بالصدقة سبب من أسباب الرياء. فسأغيت لها ونفت خدور دجا ست بارتي لها إن شاء الله. Donc deuxième point qu'on tire de ce chapitre, il fait partie des bienséances obligatoires de la lecture du Coran de lire à voix basse, al-israr. Pourquoi? Car cela fait partie des choses qui touchent à l'ostentation. Et toute personne se doit de se surveiller soi-même et de faire attention aux choses qui peuvent toucher la sincérité. Car l'action vertueuse ne peut être vertueuse qu'avec la sincérité et le suivi. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur » Et vous voyez, c'est la structure en arabe, elle est importante ici dans le verset. Comment est-ce qu'on appelle ça pour les frères qui ont fait la grammaire? Je répète le verset. « Man kana yarju Allah wa liyawmal akhir »« Man kana yarju Allah wa liyawmal akhir »« Falyamal » C'est un shart, hein? Jawab shart. Comment on peut traduire ça en français? C'est une structure conditionnelle. C'est-à-dire une condition, une réponse à la condition, si vous voulez. C'est-à-dire, eh bien, regardez, la traduction elle est claire ici maintenant. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse. C'est pour ça que c'est « فَلْيَعْمَلْ ». Pourquoi ici le majzoum? وقع, hein? Bien sûr, parce que c'est من أدوات الجزم التي تجزم فعلين. D'accord. Ici, c'est quoi? On a جواب شرط. D'accord. C'est important de comprendre ça ici. Celui qui espère, eh bien qu'il fasse. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Hein? Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Soit le cas, verset 110. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une traduction approximative du hadith, les actes ne valent que par leurs intentions et chaque individu sera rétribué en fonction de son intention. Et également, celui qui fait une action que je n'ai pas ordonnée, son action sera rejetée. Rad, ay mardoud, comme il a dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Et vous voyez dans le hadith ici qui est très important, innama l'a'malu bin niyat, d'accord ? Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Regardez ici. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Il y a un shart et un jawab shart. Comment ça se fait que les deux sont les mêmes alors qu'ils sont censés être différents ? Les ulama, ils ont parlé de ça. Pour les frères qui ont fait la langue arabe, ça doit vous marquer tout de suite. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman. Ah, on voit les frères, comme j'ai étudié le hadith. Le premier, c'est quoi ? Faman kanat hijratuhu niyatan wa qasdan fakanat hijratuhu ani ila Allah wa rasulihi fakanat hijratuhu ajran wa thawaban lillahi wa rasulihi. D'accord ? C'est-à-dire, si tu as la bonne niya, et bien tu vas voir la récompense. Et c'est d'où la première phrase, les actes ne valent que par leurs intentions. Or, la lecture du Coran est une action vertueuse. C'est-à-dire, si quelqu'un fait cette action en conformité à ce qui a été rapporté dans les traditions prophétiques, dans les hadiths, mais cette action ne peut être complète, vertueuse, et n'en aura la récompense que s'il l'a fait sincèrement, exclusivement pour Allah Azza wa Jal. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre est celui le puissant, l'omnipotent. Et c'est la traduction du sens de la parole d'Allah, surat al-Mulk, verset 2. Maintenant, on revient à l'explication des salafs par rapport à ce verset-là. Et c'est une explication très connue chez les mashayikh qui cite très souvent. C'est qu'Al-Fudhal ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, il a dit: la plus sincère et la plus conforme. Akhlasuh wa aswabuh. Pourquoi il dit ça ? Ben, revenez au verset. C'est quoi le verset ? Tabaraka, alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Est-ce que Allah dit aktharu ? Non, il a dit ahsanu amala. Et là, les ulama, ils ont dit: c'est quoi ? Wa ma ahsanu. C'est comme ça en fait que la parole d'Ibn Iyad, même si le cheikh ne l'a pas rapporté ici, c'est comme ça qu'elle commence. وما أحسنه. Alors le Qadi Adil a dit أخلصه وأصوابه. Et après il expliquait qu'est-ce que ça veut dire أخلصه وأصوابه. Donc le Qadi Iyad, il a dit la plus sincère, la plus conforme. أحسنه أي أخلصه وأصوابه. Il dit: oh Abu Ali, qui est la kunya de Qadi Iyad, le Fudhal ibn Iyad, pardon. Il dit: oh Abu Ali, quel est le plus sincère et le plus conforme, ou l'action la plus sincère et la plus conforme? Il dit: si l'action est sincère et n'est pas conforme à la sunna, elle ne sera pas acceptée. Et si elle est conforme à la sunna mais n'est pas sincère, exclusive pour Allah, elle ne sera pas quoi ? Acceptée. Tant qu'elle ne sera pas vouée à Allah de manière exclusive et tant qu'elle ne sera pas conforme à la sunna. Donc qu'est-ce qu'on prend ici ? C'est une qaïda qui est connue chez les ulama. Ida fuqida al-shart, fuqida al-mashrut. Si ce pour quoi tu as mis une condition, la condition n'est pas là, et bien c'est sur quoi tu as mis une condition, bien elle n'est pas là non plus. C'est-à-dire la condition c'est quoi ici? Ou les deux conditions plutôt, c'est quoi? Et c'est les deux conditions d'acceptation de l'adoration. C'est la sincérité et la conformité. Donc c'est-à-dire si un, et ça c'est important de comprendre ça, si un des shorot, un shart parmi les shorot ne sont pas là, et bien l'action elle n'est pas acceptée. Tu peux être sincère et tu fais une action qui n'est pas conforme à la sunna. L'ulama donne des exemples très très concrets et très faciles que tout le monde peut comprendre. C'est quoi ? Si maintenant quelqu'un prie le maghrib sincèrement 4 rak'at. D'accord, il veut faire plus, comme il l'a dit Cheikh Falah Ismail, certaines personnes disent ziyadat al-khair khair. On rajoute en bien, c'est du bien. Alors est-ce que son action est acceptée ? Non. Maintenant quelqu'un prie 3 rak'at, d'accord ? Mais il l'a pris ani riya'an. D'accord, donc voilà, c'est juste pour montrer ça. Mais, donc ici, c'est bien important de comprendre que la parole de Qadi Iyad ici, c'est qu'il est obligatoire que les deux se retrouvent dans l'action. Donc il a dit, ce qui est sincère, c'est ce qui est pour Allah uniquement. Et ce qui est conforme, c'est ce qui est sur la sunna, la voie du messager d'Allah, ani Muhammad alayhi salatu salam. La lecture du Coran fait partie de la religion d'Allah, mais tu ne pourras en être récompensé que si tu es sincère envers Allah dans ta lecture et conforme à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant les frères vont se dire, mais pourquoi Cheikh Bazmoul rapporte tout ça ? Mais il faut garder cette parole-là dans le contexte. On parle de quoi ici ? De prier, la prière la nuit, comment ? à voix haute ou à voix basse. Il parle de quoi ici? De prier à voix haute. Sincérité. Hein? C'est ça qui, c'est, tout ça, c'est pour rapporter sur quoi? Sur le fait de faire attention, de ne pas être... Hein, de quoi? De ne pas tomber dans l'incantation. Et ici, il parle de quoi? La lecture du Coran. Parmi l'adab, le mafrouda de la lecture du Coran, c'est de lire à voix basse. De peur de quoi? De tomber dans l'incantation. Il a dit quoi? Car lire le Coran à voix haute, c'est... Hein? C'est pour cela qu'il a ordonné, alayhi salatu wassalam. Je reviens au début. La lecture du Coran fait partie de la religion d'Allah, mais tu ne pourras en être récompensé que si tu es sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ta lecture et conforme à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que le musulman prenne donc garde à l'âme qui est très incitatrice au mal, mais qu'il prenne garde à Satan. Et c'est pour cela qu'il a ordonné et indiqué au lecteur du Coran de ne pas lire à voix haute, mais de lire plutôt à voix basse. Car lire le Coran à voix haute, c'est comme donner une aumône ouvertement. Ah, maintenant, on va avoir la discussion. Après, Inch'Allah, quand c'est bien de donner à voix ouvertement, quand c'est mieux de donner en secret, hein? Et quand est-ce qu'il y a lieu de se poser la question d'abord, hein? Cheikh Bezmoul, il va discuter de tout ça, Inch'Allah. Parce qu'il y a peut-être des frères qui vont se dire, oui, mais des fois, on voit que hein, lire à voix haute, c'est bien, etc. D'accord? Cheikh, il dit, car lire le Coran à voix haute, c'est comme donner une aumône ouvertement. C'est une cause parmi les causes d'ostentation. Donc, Cheikh, il dit quoi en arabe? On continue ici. إذا هممت بصدقة ودفعتها أمام الناس فإنك قد تجد في نفسك العجب والكبر وقد تفعل هذا ليقال عنك أنك كريم وأنك تتصدق وأنك تدفع الأموال وكذا إذا تلوت القرآن ورفعت صوتك وسمعت من نفسك فقد يدخل في نفسك الكبر أنك تقرأ القرآن وأنك أفضل من الآخرين الذين لا يقرؤون القرآن والذين يستمعون الأغاني ويستمعون الأفلام وغيرها وقد ترى في نفسك أنك تقرأ القرآن وتجوده وتحسنه أو تحسنه وأنت أحسن من الآخرين و إلى آخره فهذا كله باب من أبواب الرياء والشرك الذي يبطل الأعمال والعياذ بالله والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك فيقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. Ça, c'est important de comprendre, parce que des fois, un frère, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de fiqh, il va voir un frère, il va se lever devant tout le monde, hein, il va sortir un billet de 20 pounds, il va le donner pour sadaqa, il va dire, ah, Audhu Billah, hein, regarde comment il se montre, voilà, Audhu Billah, hein. Après, tu ne sais pas, il faut important de comprendre ça, on ne connaît pas le nawaya, ya ikhwa. Parce que c'est quoi le niya dans la langue arabe? Al-qazd, wa mahalluha, al-qalb, c'est ça qu'ils disent les ulama. Hein? C'est pour ça qu'on ne remporte pas la niya à voix haute. Allahumma, je vais prier la prière de dhuhr 4 rak'at. C'est dans le cœur, niya, tu nouis avec ton cœur. Non, on ne connaît pas le nawaya. Hein? Nakil sara'ir ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui se crée, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et peut-être au contraire, surtout si c'est quelqu'un des gens de la sunna, tu dois avoir le bon soupçon. Tu dis, Zallah khair, sûrement le frère, il sait ce qu'il fait. Il a sûrement fait pourquoi? Pour Allah, pourquoi? Pour que inciter les gens. Pour donner l'exemple. Et on va voir ça, le hadith que vous connaissez tous. Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha. D'accord? Donc on a dit quoi? Si tu penses à faire une aumône et que tu la donnes devant les gens, il se peut que tu ressentes en toi-même de l'émerveillement envers toi-même et que tu ressentes de l'orgueil. Et il se peut même que tu fasses cela pour que l'on dise de toi que tu es généreux et que tu donnes des aumônes. Que tu donnes de l'argent. Donc si tu lis le Coran, tu psalmodies le Coran, tu fais le tajwid, et que tu élèves la voix, et que tu t'entends de lire, il se peut que tu sois touché à l'intérieur de toi-même par l'orgueil, et que tu es meilleur que les autres, qui ne lisent pas le Coran. Hein? Tu dis, mashallah, moi je lis le Coran, les gens ne lisent même pas le Coran. Et qui écoutent la musique et regardent des films. Il se peut que tu vois, que tu lis le Coran, et que tu psalmodies, tu as embelli la lecture, et que tu lis bien, et que tu es meilleur que les autres, etc. Tout ceci est l'une des portes parmi les portes de l'ostentation et de l'association qui annule les actions, alors que le messager d'Allah nous a mis en garde contre cela. Il a dit, celui qui élève la voix en lisant le Coran est comme celui qui montre à tout le monde qu'il fait l'aumône, tandis que celui qui lit le Coran à voix basse ressemble à celui qui se cache en faisant l'aumône. Hein, on rapporte le tahrij du hadith, akhrajahu Abu Dawoud fi kitab as-salah, باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل والترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب فضل السر على الجهر. والحديث قال الترمذي عنه حديث حسن غريب، وصحه الألباني في صحيح سنن الترمذي رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله بعد إخراجه لهذا الحديث، puis va rapporter الترمذي رحمه الله qu'est-ce qu'il a dit en explication de ce hadith. On va d'abord rapporter le tahrij en français. Je vous donne les références en français du hadith rapporté par Abu Daoud numéro 1333 et Tirmidhi 2919 et An-Nasa'i. Al-Tirmidhi il a dit hadith hasanun gharib. Il a été authentifié ce hadith par Cheikh Al-Albani dans Sahih Sunan Al-Tirmidhi volume 3 page 10. Alors qu'est-ce que nous dit Abu Isa Al-Tirmidhi rahimahullah, l'imam Al-Tirmidhi, par rapport à ce hadith? Il dit وَمَعْنَا هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الَّذِي يُسِرُّ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَجْهَرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. ما هي العلة؟ لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. العلانية vous connaissez ce mot en arabe, c'est quoi? En public, ouvertement. Ça ne rappelle pas un dars qu'on a eu pas longtemps de Sulcita. من أراد أن ينصح لدي سلطان فليأخذ بال ممو فليأخذ بيده ولا يبديه علانية. qu'il ne fasse pas la nasiha au gouverneur en public. C'est le même mot en arabe. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. C'est un peu le, c'est la même base tout ça. إعلان c'est quoi? C'est le fait de faire savoir. De faire savoir. D'accord? De rendre public. Par exemple, إعلان النكاح, le fait de quoi? De rendre public les noces. Du verbe أعلان. J'ai pris cet exemple. Là, la couleur. On a dit donc que le hadith, on a rapporté le tahrij, et qu'est-ce qu'il dit Abu Isa al-Tirmidhi en guise d'explication de ce hadith? Abu Isa al-Tirmidhi, après avoir rapporté ce hadith, rahimahullah, il dit, et le sens de ce hadith est que celui qui lit le Coran à voix basse est meilleur que celui qui le lit à voix haute. Car faire l'aumône en secret, en se cachant, est meilleur chez les gens de science que de faire cette aumône en le montrant. Et le sens de cela chez les gens de science est que c'est afin que l'individu soit préservé de l'émerveillement envers soi-même. Car celui qui fait une action en se cachant ou ne craint pas pour lui ce que l'on craint, on ne craint pas pour lui ce que l'on craint pour celui qui a fait cette action en se cachant. Je me suis trompé, Je répète. On discutera après, Inch'Allah. Et le sens de cela chez les gens de science est que c'est afin que l'individu soit préservé de l'émerveillement envers soi-même. Car celui qui fait une action ouvertement, en se cachant, on ne craint pas pour lui ce que l'on craint pour celui qui fait cette action, quoi ? Ouvertement. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Fin de citation de l'imam Tirmidhi, rahimahullah. Alors, Cheikh, il dit ففيه بيان أن الإصرار ففيه عفوا بيان أن الإصرار بالقرآن أفضل كما أن الإصرار بصدقة أفضل كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Si je me souviens bien, notre riwaya qui est rapportée dans Fath al-Bari de Bukhari, c'est إني أخاف رب العالمين أو الله رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرج البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين، ومسلم في كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة. فدل ذلك على أن الإصرار بصدقته هو الأفضل. قال العلماء: إذا أمن الرياء أو أمن الرياء وكان في الجهر بصدقة خير، فإن المسلم لا مانع أن يجهر بالصدقة، كما ثبت في حديث مشتبي النمار. On va s'arrêter là parce que je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire مشتبي النمار. Inch'Allah. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Il y a en cela, dans ce hadith qu'on a dit avant la parole de l'imam Tirmidhi, la mise en évidence que lire le Coran à voix basse est meilleur. Comme il est préférable de faire une aumône en se cachant. Comme il a été rapporté d'Abu Huraira que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: sept seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a d'ombre que la sienne. Un gouverneur juste, imam adil, hein, les ulama comme Ibn Hazar dans Fath al-Bari disent que rentre là-dedans le père avec sa famille, etc. Hein, c'est-à-dire toute personne qui est en quoi? Qui est en charge d'une responsabilité. Un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est accroché aux mosquées, et deux hommes qui se sont aimés pour Allah, se sont réunis autour de cela et se sont quittés là-dessus, et un homme qui a été appelé par une femme de haut rang et belle, qui lui a fait une proposition et qui lui répond, l'homme lui répond: je crains certes Allah. Et un homme qui a fait une aumône en se cachant à tel point que sa main gauche ne sait pas ce qu'a donné quoi sa main droite. Et un homme qui a invoqué Allah en secret, seul, khalian, d'où le mot khalwa que vous connaissez certainement, d'accord, en secret, seul, et qui en a eu les larmes aux yeux. Et c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari 1423 et Muslim 1031. Ceci indique que faire une aumône en se cachant est meilleur. Les savants ont dit: s'il est préservé de tomber dans l'ostentation, d'accord, et qu'il y a un bien à faire l'aumône en se montrant, il n'y a alors aucun mal à ce que le musulman fasse cette aumône en se montrant, et publiquement, ouvertement. Comme cela a été rapporté dans le hadith de Mushtabi al-Namar. Alors Mushtabi al-Namar, c'est un mudaf mudafilé. Mushtabi, il y a hadf harf al-illa, c'est quoi le nun? C'est qu'il y a un jam'a mudakir salim, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est Mushtabuna. Mushtabun, normalement, al-Namar. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mushtabi al-Namar, hadith, c'est un hadith qui est connu, et c'est un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, numéro 246. Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah, j'étais vous chercher l'explication dans Riyad Salihin, volume 2, il dit: al-Namar, c'est le pluriel de namratun. Wahiya, kasa'un min sawfin mukhattatin. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Namratun, al-Namar, c'est le fait d'être un habit fait de sawf. Laine mukhattat rayée, d'accord, c'est un vêtement de laine rayée. Wa mushtabiha ay labisiha qad kharaquha fi ru'usihim. Mushtabi, c'est-à-dire qu'ils étaient habillés de namar. On a dit qu'un namar, c'est des vêtements de laine rayée qu'ils avaient perforé à la tête, d'accord. Alors le hadith ici, mushtabi namar, c'est un hadith que vous connaissez, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure: man sanna fi l'islami sunnatan حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث. Alors c'est quoi? Qui s'est me rapporté ici? Vraiment, en quelques mots, c'est quoi la mounasabat al-hadith? Pourquoi le hadith? Qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire? Sans rentrer dans les détails, juste, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Il a commencé, vas-y. Vas-y. Mais continue, t'avais une idée, continue. Vas-y. Vas-y. Vas-y, tfaddal-toi. Non, je ne parle pas du fiqh de hadith. Je parle pourquoi le hadith. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce hadith-là, dans cette histoire-là du hadith? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce hadith-là? C'est quoi l'histoire, si tu veux, pour... Non? Tu parles de quelque chose d'autre? De quoi tu parles exactement, Abou Bakr Siddiq? Qu'est-ce qui se passe? Je vous aide. Il y a un peuple qui est venu chez le prophète, Aïssoussam. Qui n'était pas en bonne condition, qui était en besoin, d'accord? Et dans le riwaya, il y a dit: bel kulluhum al-mudar, vous faites même tous partie de mon dar, d'accord. Et le prophète, quand il a vu leur situation, qu'est-ce qui s'est passé? Il a incité les gens. Il a rapporté le fameux hadith sur Tassaddaqou. Et à la fin, c'est ça, mais il y a quelque chose qui est arrivé avant et c'est ça qui nous intéresse. Avant ce que tu viens de dire. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, celui qui fait une sunna dans l'islam, une bonne sunna, eh bien, il aura l'azr de cette sunna et de ceux qui le suivent, qui vont la faire, qui vont la pratiquer après lui. Attention, les hezbines, qu'est-ce qu'ils disent? Man sanna fil islam. T'as vu, si je fais quelque chose de bien, même s'il n'y a pas dans l'islam, ben c'est bien, alhamdoulilah, les gens s'ils me suivent dessus. Là, man sunna fil islam, sunnatan hasana, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà dans l'islam. Et le hadith, c'est quoi? Il est clair. Parce qu'il y a un sahabi qui s'est levé qui a fait la sadaqa. La sadaqa, elle n'est déjà pas dans l'islam. Voyez le choubouad al-bid'a al-ahwa. Il a fait quelque chose qui est déjà mashrou'a. Mais parce qu'il l'a fait devant les gens, il a incité les gens à le faire. Et les gens donc se sont levés et ont donné la sadaqa. Eh bien, il a donc par cela la récompense de cette action-là et de l'action de tous les gens qui l'ont suivi. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a la récompense de toutes les actions que l'on fait dans son suivi. Alayhi salatu wassalam. D'accord ? Et imaginez-vous, wallah, des fois, on voit des actions, on fait des actions, on ne voit pas comment on appelle ça, les implications, les répercussions, barakallah, c'est ça le bon mot, les répercussions. Imagine-toi, tu apprends à quelqu'un une mis'ala, tu apprends une dua, tu apprends un hadith à quelqu'un, tu apprends tes enfants, une mis'ala, comment rentrer aux toilettes, comment sortir, comment s'habiller, n'importe quoi parmi les points de la religion, n'importe quelle chose, et que cette personne-là la pratique, elle l'enseigne ensuite aux gens autour d'elle, à ses enfants, et ainsi de suite, génération en génération, peut-être pendant des centaines d'années, génération après génération. Et toi, tu as quoi? Si tu es sincère et que tu es conforme à la sunna, tu as cette récompense. Inch'Allah. D'accord? Et ça, c'est une incitation à faire le bien, tout simplement. Donc maintenant, c'est bien de faire la sadaqa. On va voir dans le hadith que les sept qui sont sous l'ombre d'Allah Azzawajal, le jour où il n'y a d'ombre que son ombre, qu'est-ce qu'on voit? Il y a quelqu'un qui a fait sa sadaqa à tel point qu'il l'a caché avec sa main droite et qu'il l'a caché tellement que même sa main gauche, elle ne sait pas ce que sa main droite a donné. Et on voit un autre hadith ici qui est quoi? Qu'un sahabi s'est levé, il l'a fait devant les gens et que ça a incité les gens. Donc il n'y a pas encore une fois ce qu'on a dit dans le cours de mardi. Un jam' ben al-adillah. Ça, il y a un fiqh. Il y a un fiqh. Des fois, c'est mieux de la donner à voix, ouvertement. Comme on va voir plus tard, Inch'Allah, dans quelques instants, le fait de s'acquitter de l'obligation de la zakat. C'est mieux. Là, tu la donnes ouvertement. Et d'autres situations encore, comme on va voir, Inch'Allah, où tu la donnes ouvertement. Et d'autres situations où tu la donnes en secret. D'accord? Et puis, il y a une question que vous devez vous poser. Oui, mais maintenant, les choses où on ne sait pas s'il faut donner à voix haute ou à voix ouvertement ou en secret, et que les deux sont au même... On ne sait pas lequel, sont au même niveau. Qu'est-ce qu'on fait? Cheikh Bazoum, il va dire celle-là. Mahal bahl, comme il va dire. Inch'Allah, après, il va donner la réponse à la fin du cours, Inch'Allah, qui sera, eh bien, le meilleur, c'est ce qu'il voit, c'est que c'est de faire en se cachant là. D'accord? Maintenant, ce hadith-là, donc, il illustre bien ce qu'on a dit ici. C'est qu'il s'est levé, Mujtabin Namar, ils avaient besoin, il a donné, et les gens, ils ont donné après lui. À la Kulihal, on revient au livre de Cheikh Bazoum, les gens de science ont cité les différentes raisons de cacher aux gens quand on fait une aumône, et la préscience de cela. Et ils ont cité, rapporté les raisons pour lesquelles on montre cela. Voir Tafsir al-Razi, volume 7, page 73-74. Alors la Cheikh va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah, il dit... وقد ذكر أهل العلم وجوها لإخفاء الصدقة وفضله ووجوها لإظهار الصدقة انظر تفسير الرازي كما جدي جدي فمن وجوه إخفاء الصدقة أنها تكون أبعد عن الرياء والسمعة أنه إذا أخفى صدقته لم يحصل له بين الناس شهرة ومدح وتعظيم فكان ذلك يشق على النفس فوجب أن يكون أكثر ثوابا رحمك الله ما جاء في القرآن العظيم من مدح من يخفي الصدقة ويسر بها في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم سورة البقرة وما جاء في الحديث من فضيلة صدقة السر أن صاحبها من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أن الإظهار يجب إلحاق الضرر بالآخذ فيد المعطي هي العليا ويد الآخذ هي السفلى ومن وجه إظهار الصدقة أن الإنسان إذا علم أنه إذا أظهرها صار ذلك سببا لاقتداء الخلق به في إعطاء الصدقات فينتفع الفقراء بها فلا يمتنع والحال هذه أن يكون الإظهار أفضل ومنها أن في إظهارها نفي للتهمة ومنها أن إظهارها يتضمن المصارعة إلى أمر الله تعالى وتكليفه وإخفاءها أو إخفاؤها قد يوهم ترك الالتفات إلى أداء الواجب أو الإبطاء فيه قلت أي القائل شيخ بزمول الذي يظهر لي أن محل الخلاف في إبداء الصدقة وتركه في الفرد والنفل هو إذا تساوى الإخفاء والإظهار فأيهما أفضل On va déjà traduire ça et puis on va répondre à cette question après, Inch'Allah. Comme on a dit, les gens de science ont cité les différentes raisons de cacher aux gens quand on fait une aumône et la préscience de cela, la préscience du fait de cacher la sadaqa. Ils ont cité, rapporté les raisons pour lesquelles on montre cela, le fait de donner la sadaqa. D'accord ? Donc il y a des raisons qui ont été montrées quand on l'a fait en cachette, en secret, et des raisons qui ont été montrées quand on l'a fait ouvertement. Pourquoi on a rapporté tout ça ici ? On parle toujours de la lecture du Coran, hein ? Il faut toujours situer dans le contexte ici. Voir Tafsir Razi, comme on a déjà dit, volume 7, page 73-74. Parmi les raisons pour lesquelles il convient de cacher l'aumône, hein, parmi les raisons pour lesquelles il convient de cacher l'aumône, mais on l'a déjà dit, c'est de se tenir à l'écart de quoi ? Ria, l'ostentation, et Suma'a. Car s'il cache son aumône, les gens ne feront pas son éloge, et il ne sera pas connu auprès d'eux. Donc tu seras par cela quoi ? Tenu à l'écart de Ria. Et ceci est plus difficile pour l'âme. D'accord ? Et c'est pour cela qu'il y a plus de récompenses. Et c'est l'éloge qui est fait dans le noble Coran à ceux qui cachent cette aumône. La traduction de la parole d'Allah dit « Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. » Regardez la traduction ici. « Si vous donnez comment ? Vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles. » Ici, et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Sourate Al-Baqarah, verset 271. Et aussi en raison du hadith dans lequel est rapportée la préscience de faire l'aumône en secret. Et que celui qui fait cela est parmi les sept qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azzawajal le jour où il n'y a d'ombre que son ombre. Et ainsi, pour ce qui est le fait de donner ouvertement en le montrant, ça cause du mal à celui qui prend. Pourquoi ? À votre avis, si maintenant je donne ouvertement devant les gens à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer ? Hein ? Parce que la main de celui qui donne, elle est au-dessus, et celui qui prend, elle est en dessous. Donc vous comprenez la situation dans laquelle va se retrouver celui qui prend. Ça, c'est parmi les choses pour lesquelles il nous pousse à le faire en se cachant, en secret. Pourquoi ? Car on a dit la main de celui qui donne est supérieure et la main de celui qui prend est inférieure. Parmi les raisons de donner l'aumône en le montrant, il y a le fait que si quelqu'un sait que s'il montre aux gens, ce sera alors une raison qui va pousser les gens à le prendre pour exemple et à faire l'aumône. Les pauvres en bénéficieront alors. Alors c'est bien à ce moment-là de le faire quoi ? Ouvertement. Il n'y a dans ce cas cité, comme l'a dit Cheikh Bezmoul, aucun mal à montrer le fait de donner une charité. Et il y a aussi dans le fait de montrer l'aumône, le fait de démentir l'accusation. Il y a aussi dans le fait de montrer l'aumône la compétition dans la mise en pratique des ordres d'Allah. Alors que la cacher pourrait faire penser qu'on ne s'acquitte pas de l'obligation. Donc tu vas peut-être faire accuser d'une chose dont tu es innocent. Donc vous voyez qu'il y a un fiqh là-dedans. D'accord ? Ou que tu ne t'es pas acquitté de cette obligation ou que tu tardes, elle est tardive ton application, ta mise en pratique de cette obligation. D'accord ? Donc toi pour t'éloigner de cette mise en accusation, eh bien tu le fais quoi ? Tu la donnes ouvertement. D'accord ? Ça va ? Maintenant, un point très intéressant, c'est le dernier point, on va terminer là-dessus, Inch'Allah. Il dit, Cheikh, et je répète la question, comme ça on garde le fil. قُلْتُ أَلَّذِي يَدْهَرُ لِي أَنَّ مَحَلْ خِلَافِ إِبْدَاءِ الصَّدَقَةِ وَتَرْكِهِ فِي الْفَرْدِ وَالنَّفْلِ هُوَ إِذَا تَسَاوَى hein? التساوى الإخفاء والإظهار فأيهما أفضل أما إذا قام ما يرجح أو يعين أحدهما فهذا خارج محل البحث كالموضع الذي جاء في الشرع إظهار الصدقة فيه أو الحال التي يترجح أو يتعين على المسلم الإخفاء والإبداء ومنها حال إظهار فريضة الزكاة أو حال شحذ الهمم c'est quoi le mot شحذ du verbe شحذ hein? Inciter. Shahd al-himam, incitation, démotivation, si vous voulez. D'accord ? Shahd al-himam. Fil iqtida'i wal-mutaba'ati ala fi'l al-khayr. Ou nafyan li-tuhma. Tuhma, accusation. Du verbe ittahama. Ittiham, le fait d'accuser. Une tuhma, c'est-à-dire que il y a un doute, une accusation hein, sur toi. Une tuhma. وعليه يكون محل الخلاف محصورا في حال تساوي الإظهار والإخفاء وبهذا يترجح أن الإخفاء أفضل في هذه الحال كما ترى والله أعلم انظر المحلى سيد ابن حزم لابن حزم رحمه الله وتفسير القرطبي وتفسير المنار والحال كذلك في قراءة القرآن العظيم On a fini avec ça ce chapitre et on a fini avec ça le cours d'aujourd'hui inshallah Je vais traduire cette dernière partie et c'est important de situer le contexte On a dit quoi tout début du cours on a dit qu'on parlait Du fait de lire, hein? Le fait de lire, et ouais, les frères, le fait de lire, dans quelle prière? Prière nocturne, d'accord. C'est quoi la voix du prophète, sallam? C'est qu'il priait des fois à voix haute et des fois à voix basse. Maintenant, c'est quoi le meilleur? Surrogatoire, comment? Oui, parce que on avait parlé de notre dernier cours, on avait dit, hein, quand, par rapport au Maghreb, l'Isha et le Fajr, on avait dit que quand tu on avait parlé d'ailleurs de ça. Quand est-ce que tu l'as à voix haute quand tu es seul, quand derrière l'imam, bon, il y a l'imam qui prie, quand c'est toi qui l'imam, bon, tu l'as à voix haute, etc. On avait parlé de ça, hein, d'accord. Donc on ne va pas refaire le cours aujourd'hui, mais à la Kulihal, ici on parle de quoi? De l'Eil, on parle de Nawafil, d'accord. Qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est, la meilleure, c'est de faire de manière intermédiaire. Maintenant, si maintenant je lis à voix haute, c'est autorisé ou pas? Naam. Si je lis à voix basse, pareil, c'est autorisé. Ahsantum. Maintenant, deuxième point qu'on avait discuté ici, d'accord? C'est le fait de lire le Qur'an, l'adab al-mafrouda. Qu'est-ce que Cheikh il dit? C'est mieux de lire à voix basse. C'est quoi le hadith qu'il a utilisé comme preuve? Le hadith du prophète, le sens, rapporter le sens en français, c'est pas un problème. C'est autorisé de rapporter le hadith par le sens, même en arabe. Le Coran, non, il faut rapporter comme il est. Non? Ouvertement, très très bien. Celui qui lit le Coran à voix haute, c'est comme celui qui a donné l'aumône. Ouvertement, d'accord? Ahsant. Celui qui lit à voix basse le Coran, c'est comme si celui qui s'est caché pour donner une aumône, qui a donné l'aumône en secret, en se cachant. Ahsant, très très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a discuté par rapport à ce point-là, maintenant, ici C'est mieux quoi On a parlé d'abord de la sadaqa, je pense. Alors que maintenant, rapportez-moi le tafsil au niveau de la sadaqa. Je vous pose la question différemment. Qu'est-ce qu'on a dit concernant le fait de donner la sadaqa en secret ou en public On a parlé de tout ça, qu'est-ce qu'on a dit à ce niveau-là Attends, il a commencé, vas-y. Hein? Vas-y, Mohamed. D'accord, mais si on veut résumer, vraiment, résume. Vas-y. Ouais, ça c'est parmi ceux qui sont Yom Al-Qiyama, les sept qu'on a cités dans le hadith, Naam. D'accord. Mais moi, ce que je voudrais, c'est bien, tu as un hadith qui est authentique, mais ce que je voudrais, c'est que vous gardiez un schéma dans votre tête. En fait, regardez, maintenant, il y a des points dans la législation, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il y a des points dans la législation où c'est quoi, c'est mieux de donner, où tu donnes à ouvertement. D'accord, donnez-moi un exemple. Pour encourager les autres, c'est quoi ta preuve? Vas-y. Ils étaient un pauvre, ils étaient... Hein? Il a fait une incitation à donner l'aumône et que le sahabi, c'est. Il est devenu. Et par ça, le prophète Azam, il a dit celui qui est man sana fil islami sunatan hasana. D'accord. Un autre exemple où c'est, tu donnes ouvertement devant les gens pour le fait de sortir d'une accusation, de pas laisser les gens t'accuser du fait que tu t'es pas acquitté d'une obligation. Très bien. Zakat aussi, hein, que tu t'es acquitté de ta zakat, de ton obligation, fard zakat, très très bien. Maintenant, il y a d'autres cas, hein, où c'est mieux de donner à voix, je crois que je vais toujours à voix, hein, de donner en secret, en cachant. Reviens au hadith que tu as dit. C'est quoi la illa? C'est quoi la illa? La illa. La raison, si vous voulez. Exactement, c'est de se tenir à l'écart de quoi? De l'ostentation. Donc maintenant, Cheikh, il a rapporté tout ça pour parler du Coran. Quel est le parallèle qui est fait avec le Coran ici? C'est que justement, la personne, s'il veut, exactement, c'est très bien ce que tu as dit. Pourquoi? Parce qu'on a parlé des deux conditions de l'adoration et que la lecture du Coran, c'est une adoration. Donc on doit être sincère. Et si tu lis à voix basse, tu seras plus à même d'être tenu à l'écart de l'ostentation ou de l'ujb, parce qu'on appelle l'ujb, c'est-à-dire que tu dis, hein, mashallah, je lis bien, tu t'es émerveillé de toi-même. Hein? Ou l'adou billah. Ou le kibr, l'orgueil. Hein? C'est clair pour tout ça, d'accord? Maintenant, le mahal baht, comme il a dit, à la fin, c'est important de comprendre ça. On a vu qu'il y a des choses dans la religion, comme il a dit, yatarajjahu, yata'ayyanu. Tu donnes en public, ouvertement, tu donnes. On ne parle pas de ça. D'autres fois, yata'ayyanu, irfa. Tu caches des fois, tu donnes de manière secrète. Mais mahal baht, le sujet de recherche, c'est quoi? C'est quand les deux, ils sont égaux. Exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui est le mieux? Il a dit quoi, le shir? Il a dit, idharu anna al-ikhfa afdal. C'est-à-dire que le fait de donner en cachette, en secret, à ce moment-là, c'est mieux. D'accord? Wa jazakum allahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.